Eh, bonjour, bonjour, ma Mélène. Bonjour, bonjour, monsieur Albert Bougna. Je vous ai interdit de m'appeler Bougna. C'est pas parce que j'ai un bistrot au milieu de Paris qu'il faut m'appeler Bougna. Alors, c'est pas déshonorant, les Bougna, mais je m'appelle Albert, appelez-moi Albert, non? Ah, si vous voulez, monsieur Albert Bougna. Alors, qu'est-ce que j'y donne pour son petit déjeuner à ma Mélène? Ah oh ben, comme d'habitude, vous le savez bien. Quelle heure qu'ils y ont dit que c'était au poste ce matin? Lorsque c'était qu'ils y ont dit au poste d'un coup? Ben, ils ont dit que ça allait être 6h du matin dans 5 minutes. Ah oh ben, je vais être en retard pour mon boulot, ben ça va. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous donne? Qu'est-ce que j'y donne à ma Mélène pour son petit déjeuner? Vous le savez bien, comme tous les matins. Un petit verre de vin blanc. J'avais 15 ans venu chez moi tous les matins. Voilà, c'est du nouveau, il est chouette tout ça. Voilà. À votre santé, ma Mélène. À votre santé, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a, ma Mélène? Je me suis trompé de bouteille. C'est de l'alcali. Si c'était que ça! Qu'est-ce que c'est, de l'acide sulfurique? Si c'était que ça! De l'eau de Javel? C'est du doux!